C'est facile. Il faut juste que tu marques le 2 et le 4. Tu mets la grosse pièce que sur le premier.